Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. Myriam Fugère nous quiz sur les films d'horreur dans sa chronique aléatoire. Et Yann Martel nous parle d'aide financière. Assemblage requis, ça commence maintenant! Et voici vos animateurs, François-Yves Marchand et Matt Bande. Hey, salut. Ça sonne bien? Ouais, super. Bonjour, bienvenue. Ça va bien? Bienvenue à l'émission. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Oui, on est à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce mercredi 26 octobre 2011. Et une autre belle journée qui commence, tranquillement, pas vite comme ça. Oui, une autre belle émission, d'ailleurs. Oh, Colin, cette émission-là, je la regarde, là, puis j'ai déjà des palpitations. Des palpitations. Bon. Hey, Mathieu Plante. Oui. J'avais oublié ton nom quelques secondes. C'est correct, ça m'arrive aussi. Yann Martel va nous parler d'aide financière. Arrête donc ça. Je te le dis. Eh ben, je te le dis, il disait dans l'intro. Ah oui? Ouais. L'annonceur, là, l'annonceur qui a une voix similaire à la mienne. C'est en plein ça. D'accord. Et puis, est-ce que tu veux savoir exactement de quoi il va nous parler? Son sujet, OK. Combien de mots, mettons? Combien de mots? Trois mots. Non, trois, ça fait partie de la réponse. 3, le chiffre, le mot 3. OK. Premier mot, il faut que tu me le mines. OK. Premier mot, 3. OK, 3, ouais. Parfait, oui. Ouais. Oh boy. Attends un peu. Il sort son portefeuille. Ouais, okay, attends un peu, j'ai une bonne idée. Il sort des cartes, là, je vois son permis de conduire. OK. C'est quoi ça? Sortir une carte. Débit. Non. Visa, crédit. Ouais. 3 crédits. Ouais. OK. Là, je sais pas. Il reste un mot, là. Ouais, c'est ça. Pas sûr. Lui, vois-tu, j'ai pas d'idée. Bon, j'ai 2 sur 3, ça, je passe. Ça, ouais, avec 2 ouais, sur 3, 2 ouais, tiers. Ouais, ouais. C'est bon, c'est bon. Correct, c'est 66%, ça. Va nous parler de 3 crédits d'impôt. Arrête. Ouais, impôt. Tu me pointer ton pot de chocolat chaud? Il y a un pot maçon et du chocolat chaud. Impôt. Impôt de chocolat chaud. Ouais, t'aurais-tu compris? Ben, peut-être. Je sais pas, pas sûr. Disponible pour les étudiants, les diplômés. Quand vous faites votre déclaration de revenus. Merveilleux, merveilleux. Okay. C'est à 8h30. Oui, exactement. Avant ça, à 8h, on a Myriam Fugère. OK, qui va nous parler de quoi? Est-ce que tu veux nous mimer? Ben, je l'ai un petit peu dit au complet tantôt. Là. Ah, OK. C'est un quiz sur les films d'horreur, François. OK. Brrr! Ah, t'es-tu? Non? Non. Non? Brrr! Non? Non plus. Non, non plus. Enlève tes lunettes. Comment? Enlève tes lunettes. Ah! Hein? Enlève tes lunettes. Pour te faire peur, c'est pas fin de dire ça que je fais peur sans mes lunettes, François. Quel manque de respect. Ah, tu vas de mal en pis. Bon. Avec la semaine qui avance, François. Non. Tu m'insultes de plus en plus. Bon, ça va faire. Tu me fais de la peine, Mathieu. Tu me fais de la peine. Il y a aussi la chronique Geek CLX et la chronique C'est un fait. Bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, dans la première heure surtout. On va débuter avec un petit bloc de palmarès. Hein. On n'a pas fait jouer de nouvelles entrées du palmarès encore cette semaine et pourtant, il y en a comme une trollée, encore une fois, de nouvelles entrées. La semaine passée, c'était il y avait beaucoup de nouvelles entrées anglophones. Cette semaine, beaucoup, beaucoup de francophones. Donc, on va en écouter quelques-unes, pourquoi pas. Formidable. Tantôt, il y aura Peter, mais on débute avec Philippe B. Voici Hypnagogie. Assemblage requis, l'émission qui vous réveille tout en vous poquant. C'est comme on fait poc, poc sur l'épaule. Poc, poc, poc, poc. Moi, ça très bien. J'ai dormi longtemps comme un volcan. J'ai dormi longtemps, mais t'as trouvé

Peter et rien ne nous rassemble. Nouvelle entrée du palmarès francophone. Je vous rappelle que vous pouvez entendre toutes les nouvelles entrées et les autres pièces dans l'émission Les Palmarès, c'est fou, les jeudis à partir de 14h. François, on continue notre série Le Diable dans tous ses états avec Rich Solery, ça te va? Ben oui, certainement. On fait ça jusqu'à l'Halloween, on a 14 parties à entendre. Voici la numéro 5. Et voici maintenant la série Le Diable dans tous ses états, présenté par M. Régis Olery. Analyse des trois signes de possession diabolique. Ni les démonologues les plus fantaisistes, ni les inquisiteurs les plus imaginatifs, ni même la plume exceptionnelle d'un Gustave Doré ne sont parvenus à populariser la possession diabolique autant que ne l'a fait William Peter Blatty en écrivant son roman « L'exorciste » en 1971. Peu après apparaissait sur grand écran le visage de la jeune actrice Linda Blair, ravagée par le démon assyrien Pazuzu, qui fait d'ailleurs une brève apparition en personne, alors que les pères Lancaster Merrin et Damien Carras pratiquent l'exorcisme final. Le septième art, pour utiliser le terme créé par Ricciotto Canudo en 1921, se permet certes quelques libertés du meilleur effet cinématographique, mais Linda Blair, devenue Regan McNeil le temps du film, présente les trois signes requis, comme nous l'avons vu la semaine dernière par le rituel romain, pour asseoir le diagnostic de possession diabolique. Le premier, ou xénoglossie, consiste en l'intelligence d'une langue inconnue de la personne possédée. Il ne s'agit pas de lancer ça et là quelques citations grecques ou latines ressorties des pages roses d'un dictionnaire, mais de la possibilité de soutenir une véritable conversation dans une langue le plus souvent morte, mais jamais apprise par le possédé. Il faut alors se méfier de deux pièges. D'une part, celui qui consiste pour le possédé à baragouiner des mots inventés et sans la moindre signification. C'est ce qui se passa lorsque les Ursulines de Loudun, interrogées en latin en 1634, se contentaient de répondre en une langue virtuelle qu'elles nommaient Toupinambou. Ignorantes du latin, tout comme visiblement les démons qui les habitaient, elles n'étaient pas même capables de comprendre les questions posées par l'exorciste. Ironisant en 1652 sur la pitoyable ignorance des démons en matière linguistique, Cyrano de Bergerac écrira « Lucifer a bien peu de soin de ses diables de ne pas les envoyer au collège ». D'autre part, le phénomène de cryptomnésie peut en imposer pour de la xénoglossie. Il consiste en la réminiscence inconsciente de phrases en langues étrangères mémorisées tout aussi inconsciemment lors de la vie du sujet. On raconte ainsi le cas d'une personne qui s'exclamait en syrien sans avoir jamais appris cette langue, mais l'enquête avait révélé qu'il avait, dans ses jeunes années, enregistré pendant son sommeil des leçons de syrien qu'un voisin de chambre récitait à haute voix nuitamment. Le second signe, ou cryptesthésie, consiste pour le possédé à deviner les pensées cachées de son entourage. Un minimum de psychologie, que l'on retrouve d'ailleurs chez les voyantes, ou quelques arrangements préalables et discrets, ont pu en imposer pour de l'authentique cryptesthésie. Dans ce cadre doit être mentionnée la phobie des objets du culte, même cachés, au possédé, mais dont l'interprétation est pour le moins ambivalente. Le troisième signe est un décuplement des forces et des résistances physiques, voire un phénomène de lévitation. Les cas sont nombreux. Depuis cette jeune Denise, Ursuline d'Auxonne en 1660, qui était capable de porter à deux doigts un lourd bénitier de marbre, jusqu'à cette convulsionnaire de Saint-Médard, Charlotte de la Porte, qui en 1738 se faisait frapper les côtes avec une extrême violence, mais sans la moindre fracture. Fréquemment s'observe un opisthotonos, contracture musculaire brutale, qui arc-boute vers l'arrière le corps de la possédée, comme s'était amusé à le faire le démon Astaroth sur Élisabeth Blanchard, ou le démon Ofaxa sur Louise de l'Ascension. Regan McNeil, alias Linda Blair, présentait ces trois signes sur grand écran. Nul ne saurait préciser le pourcentage de possédés ou supposés tels qui les ont effectivement présentés. Ce qui permet sans doute aux crédules de croire et probablement aux sceptiques de se rassurer. Venez d'entendre une capsule de la série Le Diable dans tous ses états, présentée par M. Régis Olery. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ils font pour le trouver, ce voisin-là qui parlait syrien à voix haute. Tu sais, comment... Ah, la solution, c'est... Hey, t'avais un voisin qui apprenait le syrien dans la nuit. T'as trouvé ça comment? Et vraiment plus tard, en plus. Ouais, en plus, vraiment, tu sais, 20 ans plus tard. Hey, je pense que moi, v'là 20 ans. Là. Non, je sais pas. Je comprends pas ça. Ah! Mais merci beaucoup, Régis Solery. La prochaine capsule sera la numéro 6. On parlera tantôt du sabbat des sorcières. Mais pour l'instant, voici encore une fois Dead Man's Bones et Buried in Water. Ah, son mal choqué. Joyeux Halloween! Hein? Non? Oui. Bientôt. Donne-moi les bonbons. Là. Hey. maison pour te donner les bons vents. Floating away. vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. François Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. Creature! Hey, Creature! Ouais, c'est bon, hein? Ouais, c'est bon. Très, très bon. C'est presque aussi bon que la chanson thème de Drôle de Drouin. You heard Bird Word. Il l'a fait jouer hier. Oui, ouais, ben, il en fait jouer une à chaque semaine. C'est une version différente de cette chanson-là. Ah. C'est bien, c'est une très, très bonne idée. J'aime ça! J'aime ça! On pourrait avoir des remixes de la chanson thème de Sandage Requis, ce serait pas pire. Ouais. Oui, très bon. Très bonne émission, c'est tous les mardis. Fait que soyez donc, voir. Écoutez la don, voir. Juste pour voir. Pendant que nous, ben, on fait la chronique Cynix. Et on commence la chronique Cynix aujourd'hui avec un anniversaire. Là, on va pouvoir chanter Bonne fête à Windows XP, François. Oh! Est-ce qu'on le fait? Quel âge? 10 ans. Vite, t'as pas quoi? Ok. Donc, attention. 2, 3. Okay. Bonne fête! Windows XP! Trilili! Bon. Donc, joyeux anniversaire Windows XP. Ça fait 10 ans que 10 ans qu'XP est arrivé sur les étalages pour fêter cet anniversaire-là. Microsoft a publié une infographie, un dessin explicatif, là, incitant à laisser tomber XP pour passer à Windows 7, évidemment. On révélait récemment que l'ancêtre Windows XP était dépassé par son petit-fils Windows 7 en termes d'utilisation, mais Microsoft semble vouloir accélérer encore un peu plus les choses. Dans cette infographie publiée pour fêter les 10 ans d'XP, Microsoft met en avant les changements qui ont eu lieu pendant cette décennie. Microsoft de conclure donc qu'en 2001, c'était Windows XP, mais que de nos jours, c'est Windows 7. Et là, j'ai regardé l'infographie. C'est tiré par les cheveux. Il y a des exemples. Par exemple, il y a une colonne qui dit une décennie, ça fait des différences. Par exemple, en 2001, on se rencontrait en personne. En 2011, c'est de la conférence vidéo. En 2001, on faxait des documents. En 2011, c'est des documents dans le nuage. En 2001, on travaillait au bureau. En 2011, on travaillait à la maison ou virtuellement n'importe où. Ça change absolument rien, ça, à l'utilisation de Windows, absolument rien. L'autre exemple, ça dit Windows XP. La télé après le travail, c'était Friends. En 2011, la télé après le travail, c'est Modern Family. What? J'écoute encore Friends aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change? Ça doit être un des seuls. Ben non, mais pas en tout. Ça joue partout dans le monde, à tous les jours. 3-4 000 épisodes par jour qui jouent à la TV. J'ai jamais trouvé ça très bon. Les codes d'écoute sont super hauts pour les rediffusions de ça. Hein. Puis c'est pas l'âge d'une série qui fait la qualité. C'est la qualité de l'émission. On s'en fout qu'elle était en 2001. Non, c'est sûr. En fait, c'est pas l'âge, mais c'est sûr qu'en fait, ça se dégrade. Les codes d'écoute vont pas en monter. Oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est les codes d'écoute, est-ce qu'ils sont représentatifs de ce qui est bon? Hein, mettons, Lady Gaga et Rihanna, mettons, là, c'est ça pogne. Non, c'est mais bon. C'est pas ça. C'est, ce qu'il va dire, c'est qu'en 2001, c'était peut-être plus populaire. Peut-être. Ben, la popularité, je comprends pas le lien entre la popularité et la qualité d'un produit. Mettons. Non, mais comparativement. Je joue l'avocat du diable. Non, mais il faut que tu restes dans l'optique que c'est XP et c'est Windows 7. Oui, c'est ça. Mais donc, Windows XP est vieux, donc il est plus bon. Non, il était plus populaire dans le temps. Oui, mais OK. Ouais, donc, je peux comprendre, mais la popularité. En tout cas. Sinon, d'autres exemples, tiens, c'est le moment de changer parce que tu changes les piles dans ton détecteur de fumée et dans ton téléphone cellulaire. Tu changes tes pneus, tu changes ton huile, tu changes ta brosse à dents. Donc, faut que tu changes ton Windows. Hein? Ah. OK, ça marche autant, ouais. Là, mais bon. Une brosse à dents, c'est parce qu'elle n'est plus aussi efficace quand les poils sont finis. T'sais. Windows XP marche encore très bien si tu formates ton ordinateur. Mais bon. En tout cas, donc c'est ça. Il faut dire que Microsoft a étendu le support du soutien, du service Pack 3 de Windows XP jusqu'au 8 avril 2014. Donc, ils voient même, eux, que les gens l'utilisent encore. Donc, ils vont continuer de le supporter. Ils disent à vos risques et périls au-delà de ça parce que l'entreprise américaine ne vous aidera plus. L'histoire de Windows XP a débuté en 99. Deux équipes de développement étaient en charge de la succession de Windows 2000, le projet Odyssey et projet Neptune. Au début de l'année 2000, Microsoft décidait de fusionner les deux équipes en une seule pour travailler sur un seul projet commun qui s'appelait à l'époque Windows Whistler. Windows XP, qui en passant veut dire expérience, sortira le 25 octobre 2001 et se vendra à plusieurs centaines de millions de copies à travers le monde. Et il reste encore le plus populaire et le plus aimé des Windows malgré les critiques sur les failles de sécurité à répétition. Il aura un fils prénommé Windows Vista le 30 janvier 2007 et un petit-fils répondant au cournom de Windows 7 le 22 octobre 2009. Son arrière-petit-fils est d'ores et déjà en chemin. Windows 8 est attendu dans le courant de l'année 2012. Allez voir les vidéos si vous voulez trouver soit ça super impressionnant selon certains ou soit vraiment inutilisable selon d'autres, dont moi. Pour le plus grand plaisir de tous, en vidéo sur le site assemblagerequis.com, il y a une pub vantant les mérites de Windows XP. C'est du grand Steve Ballmer. Et mettez pas le son au maximum parce que le gars, il crie. C'est son habitude, Steve. C'est bon. Allez voir sur assemblagerequis.com. Est-ce que tu continues d'utiliser Windows XP à la maison? Oui. Ouais. Ça va très bien. Oh, correct. Ça va bien. Petite nouvelle, grosse nouvelle, triste. Encore un décès. Un autre pionnier qui disparaît, c'est John McCarthy, le père de l'intelligence artificielle, qui est décédé lundi, le 24 octobre, à l'âge de 84 ans. En 55, il inventa le terme intelligence artificielle et il lui a donné la définition suivante. La science et l'ingénierie pour rendre les machines intelligentes. En 58, alors qu'il était au Massachusetts Institute of Technology, il a créé le langage informatique Lisp, sorte d'ancêtre du Python, Perl, JavaScript, Ruby et d'autres encore. Conçu à la base pour servir d'intelligence artificielle, la popularité de ce nouveau langage utilisant des expressions symboliques plutôt que des nombres, Lisp a dépassé les frontières de ce domaine. John McCarthy fut aussi le premier à proposer un programme informatique théorique capable de représenter des données de façon logique. L'advice taker, ou preneur de conseil, était un concept de programmation qui permet à une machine de comprendre et de répondre à une question de façon logique. Ses travaux sur le temps partagé, un autre concept informatique qui porte sur le partage des ressources par plusieurs ordinateurs, sont l'ancêtre de l'info nuage, là, ce qu'on connaît le cloud computing en ce moment, des SaaS et de la grille informatique. D'accord. Pour ses recherches et sa contribution à l'intelligence artificielle, il reçoit d'ailleurs en 71 un prix Turing décerné par l'association l'Association for Computing Machinery. C'est donc John McCarthy. Alors, on parlait hier de la nouveauté de peut-être l'Apple iTV ou quelque chose du genre, les télévisions Apple. Mm-hmm. On a quelques détails très, très minces là-dessus. Ce serait Jeff Rubin. Peut-être que vous ne connaissez pas ce nom-là, mais c'est à lui qu'on doit, entre autres, iTunes. C'est comme genre le porteur de iTunes, celui qui a fait le succès de ce logiciel-là. Si son nom refait surface maintenant, c'est parce que Steve Jobs, avant de mourir, lui aurait confié le projet du premier téléviseur Apple. C'est ce qu'avance Bloomberg, qui a tenté d'en savoir plus sur ce projet qui est évoqué dans la biographie du feu PDG d'Apple. Steve Jobs, hier, on parlait de la biographie de Steve Jobs qui sortait dans les prochains jours, semaines. La date a été super devancée. C'est sorti hier, en fait, ce livre-là. Hier. Et tout le monde se l'arrache. C'est rapide quand même. Hein? Oui, c'est très, très rapide et ça se vend vraiment beaucoup. C'est rendu au sommet de Amazon. D'un coup sec, ça s'est rendu comme ça. Donc, comme iTunes est devenu bien plus qu'un lecteur multimédia, utile aussi bien pour louer des films que pour télécharger de la musique. Hein? C'est ça s'appelle iTunes. Mais tu télécharges des applications, des jeux pour l'iPhone, tu télécharges des balado-diffusion, des films, n'importe quoi, plein d'affaires. Donc, on pourrait s'attendre à ce que la télé ait le même genre de futur. Là. Certains y voient un prolongement logique vers un téléviseur connecté, riche en options, mais simple en utilisation. Donc, on verra ce que ça donne. Passons maintenant aux tablettes qui dépassent les mini-portables. Selon la firme de recherche ABI Research, il y aurait eu plus de tablettes, donc 13,6 millions, envoyées dans les magasins que d'ordinateurs mini-portables, 7,3 millions. Les mini-portables, c'est des petits écrans avec un petit clavier, là, que les gens sont tous recourbés à la chasse-galerie puis ils tapent comme ça. Donc, au deuxième trimestre de 2011, et ce, pour la première fois depuis l'arrivée sur le marché de ces deux genres. ABI Research n'a pas publié toutes ces données publiquement, mais on peut imaginer que cet écart est encore plus grand dans les pays riches, tandis que les mini-portables ou les netbooks, qu'on les appelle, jouissent encore de la faveur du public dans les pays en développement. Oui, c'est sûr, les pièces doivent coûter moins cher là-dedans, probablement. Les dernières générations de mini-portables ont malheureusement été assez décevantes, dit l'article, puisqu'aucune amélioration notable n'a été apportée au genre. Ceci pourrait toutefois changer avec les prochaines générations de processeurs Atom qui promettent la création d'ordinateurs particulièrement minces et sans ventilation. Un tel design combiné à un écran tactile pivotant et à Windows 8, dont l'interface rappelle celle des tablettes, pourrait donner un sérieux coup de pouce au genre et surtout lui permettre d'offrir un peu de compétition aux tablettes. Encore une fois, selon l'article de Branchez-vous. Les mini-portables, je sais pas, tablette ou mini-portable, tablette, mini-portable, je sais pas lequel j'utiliserais si j'avais absolument... Moi, j'aime bien le clavier, là, ouais, physiquement. Hein. Ça tape bien. Ouais, ça tape bien. Mais sur un mini-portable, les touches sont petites. Hein. Ouais, j'imagine, mais... Ouais. Mais ça va mieux que de... Ouais, point, point, point, ouais. Point sur un écran avec est-ce ton doigt. Est-ce que j'ai tué, est-ce que j'ai pas tué? C'est ça, parce que t'as pas de feedback, c'est l'important. Il faut que t'aies l'impression d'avoir touché à une touche. Mais tu peux certainement avoir un son, j'imagine. Ouais, un clic, clic, clic, clic, clic. Ou tu sais, faire comme les... je m'en rappelle plus, c'était-tu des BlackBerry? Je pense que c'était un des BlackBerry qui avait l'écran se renfonçait quand tu appuyais sur une touche. Genre l'écran se renfonçait? Juste un petit peu pour avoir l'impression d'avoir tapé sur quelque chose. Mais tu sais, c'est que l'écran au complet se renfonçait, t'sais. Fait que moi, je trouve pas que ça vaut la peine. Là. C'est même pas sur quelle touche t'as appuyé si tu regardes pas l'écran comme faut. En tout cas, bref, il y a sûrement des idées à avoir là-dessus, peut-être... Peut-être que ça va venir, on va pouvoir avoir un feedback sur les écrans tactiles. J'aimerais ça, moi aussi. Oh, bon. Facebook étend ses crédits virtuels à d'autres sites. Peut-être que t'es allé dans des grandes surfaces et que t'as vu des cartes de crédit genre Facebook. Est-ce que t'as vu ça? Non. Les Facebook Credits, non. Mais on pouvait les utiliser pour acheter des trucs sur Facebook. Et bien maintenant, avec Facebook Credits for Websites, le réseau social de Mark Zuckerberg part encore un peu plus à l'assaut d'Internet en proposant à d'autres sites d'adopter sa monnaie virtuelle. Jusqu'à présent, les crédits Facebook n'étaient proposés... Facebook, sans S, là. N'étaient proposés que sur Facebook lui-même au sein de ses applications. Des crédits, là, on pouvait dans des jeux, entre autres. Popularisé par le social gaming et depuis utilisé pour d'autres types de services, cette monnaie virtuelle permet d'acheter du contenu dématérialisé, donc du contenu virtuel, en transformant de vrais... la vraie argent en crédit à dépenser sur le réseau social. Mais lundi, Facebook a annoncé sur son blog développeur que les crédits étaient actuellement en test sur d'autres sites dans le but de les offrir pour une expérience unifiée aux utilisateurs d'applications au-delà de Facebook. Le réseau social invite les développeurs intéressés à prendre contact. Donc, on vous tiendra au courant. Ça rapporte sur Inside Facebook que le premier site à utiliser les crédits en dehors de Facebook est le site Gamehouse qui a ajouté ce mode de paiement à la traditionnelle carte de crédit et à PayPal. Reste à voir si ça va être utilisé maintenant. T'as une carte de crédit, t'as PayPal, t'as un Facebook Credit. Je sais pas si ça va être le plus utilisé. Dur à dire. On dit que pour Facebook, le procédé est juteux puisque le réseau social s'octroie 30% sur chaque transaction. Ah, c'était ça la trappe! Selon eMarketer, les Facebook Credits qui ont rapporté 140 millions de dollars au site en 2010 pourraient en rapporter jusqu'à 470 millions en 2011. Bon, ils ont des bonnes attentes. Ça se pourrait que ça marche alors. Je sais pas. Bizarre. Hey, je vais t'apprendre une nouvelle, là, vraiment, Facebook. Pas Facebook, François. Je t'appelle. Hey, Facebook! Hey, salut Facebook! Wow. Non, t'aimes pas ça? Non. OK. Les jeux vidéo font grossir. C'est pas une surprise. Pas une surprise. Les jeux vidéo font engraisser selon une étude menée en 2010 par des chercheurs de l'Université d'Ottawa auprès de 22 jeunes adeptes danois. En 2010, il me semble que ça date. Les participants ont été appelés à jouer à des jeux vidéo pendant une heure durant une journée d'études. Lors d'une autre session d'une journée, les jeux vidéo leur étaient interdits. L'examen des résultats a révélé que les participants ont intégré en moyenne 163 calories de plus par jour lorsqu'ils ont joué à des jeux vidéo. Selon le professeur Jean-Philippe Chaput, qui a dirigé l'étude, les chiffres réels sont probablement plus élevés puisque les mordus de jeux vidéo ont l'habitude de jouer plus d'une heure par jour. Ah ouais? Eh bien, il fallait une étude pour ça. Dans la vraie vie, bon nombre de jeunes jouent à des jeux entre amis, contrairement au contexte de notre étude, et nous savons que nous mangeons davantage quand nous sommes en groupe, a expliqué le professeur Chaput. Le stress mental associé aux jeux vidéo pousserait les jeunes à consommer plus de nourriture, car, et je cite, quand le cerveau est dans cet état, il envoie au corps un message l'incitant à consommer davantage, afin de compenser l'épisode de stress. Jean-Philippe Chaput est titulaire de la chaire de recherche du programme de recherche sur les saines habitudes de vie et l'obésité du centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario, Colin. Hein? C'est long, ta affaire, là? En tout cas, je sais pas. Ah! C'est sûr que tu manges quand tu joues. Ben oui, c'est évident. Là. C'est niaiseux et tu bouges pas bien. Non, tu restes assis sur tes fesses. Là. Aucun exercice, là. En tout cas. Mon Dieu. Et on va terminer avec cette dernière nouvelle-là. Une nouvelle clé USB pour pirater la console PlayStation 3 de Sony. Il y a environ un an, Sony découvrait avec effroi qu'il était possible de débloquer sa console PlayStation 3 pour jouer, par exemple, à des jeux non officiels à l'aide d'une simple clé USB baptisée PS Jailbreak. Oh, ouais. Ouais, je savais pas ça non plus. Pour les autres consoles, j'étais pas au courant qu'il y en avait pour la PlayStation. Le géant japonais de prendre les mesures judiciaires d'abord, puis les mesures techniques qui s'imposaient pourraient limiter l'impact de ce type de piratage, sûrement par une mise à jour du système. Il va falloir recommencer parce que des petits malins viennent de mettre au point la remplaçante de la clé PS Jailbreak avec la JB2. Une vidéo a été postée sur YouTube, le lien sur assemblagerequis.com, officialisant son existence et montrant son fonctionnement et l'étendue de ses possibilités. Elle permet d'accéder dans le menu de la PS3 à des options théoriquement réservées aux développeurs pour notamment utiliser du code non signé pour lancer des jeux piratés depuis le disque dur. Mais il reste impossible de le faire avec des jeux trop récents, ceux apparus après la mise à jour 3.60, corrigeant les effets de la clé PS Jailbreak. Pour ça, il faut passer par le lecteur Blu-ray. Venu d'Indonésie, comme l'explique Eurogamer, cette clé serait livrée avec les jeux piratés suivants. PES 2012, Driver San Francisco, God of War Collection Volume 2 et FIFA 12. Nul doute que Sony est déjà en train de préparer sa réplique. C'est certain, ça s'en vient. Voilà pour les nouvelles CDX. On continue avec un petit peu de chiptune. C'est une pièce de Weird Bananas. Ça s'appelle Fat Blasters sur son futur album Straight Out Cosmos. Il appelle ça du Jazzy Funk Blues Rave 8-Bit Jam Hardcore. Et c'est super bon, je l'ai écouté au complet. Sérieusement, c'est une de mes préférées jusqu'à maintenant dans la collection Cynix. Donc la voici, World Bananas à Cynix. Weird Bananas et Fat Blasters dans la chronique CNX. Moi, je l'aime bien, bien gros, celle-là. Moi, c'est le nom que j'aime. Fat Blasters. Non, Weird Bananas. Ah oui, ben oui, mais des bananes. T'aimes ça, t'en as tout le temps dans l'oreille. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, dans la bouche. Dans la bouche. Les mains ou les bananes? Ah ouais? Ouais, c'est trop bon. Cool. Tantôt, dans la chronique, dans l'émission, pardon, Assemblage Requis, il y aura la chronique C'est un fait. Mais pour l'instant, on a The Kooks. Avec la pièce Is It Me? C'est-tu moi? C'est-tu toi? C'est-tu moi? C'est-tu toi? C'est qui? C'est qui? C'est The Kooks. Ah, c'est The Kooks? Ah, c'est The Kooks. Ah, là, je comprends. Is it me? Is it you? Is it the times that we're living through? Was it hard when I had to leave? That day you seemed to change. We all need someone to guide us, someone to introduce the show. I need someone just like you, someone to let me know. I can lose it all. When I began to break down, searching over time, bring me a pig's heart and a glass of wine. There was nothing that you could have done, there was nothing that you should have said. We're both still chasing shadows in our heads. It was all too soon. Is it me? Is it you? Is it the times that we're going through? Was it hard? Did your heart break down? Is your mind still in control? There is a violence in love. Some things I'll never understand. So where the bullets missed you out, they hit me and I'm The Kooks, c'est sur l'album Junk of the Heart, c'était la pièce Is It Me à Assemblage Requis. Pas pire, hein? Ouais, c'était toi. Quoi? C'était toi? Ah, c'était moi, parce que c'est moi, c'est toi, je viens de comprendre. Ouais, ouais. On va essayer de se comprendre d'autres affaires. Ok, on va essayer. On va essayer de comprendre la vie, le sens de la vie dans la chronique C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Donc, on s'enseigne des affaires. On commence qui, avec... Hein? Qui donne un sens à notre vie. Ouais, ben, si c'était pas de ça, moi, je la comprendrais pas, la vie. Non, c'est ça. Mais en même temps, basez-vous pas uniquement là-dessus. Là. Non, c'est ça. Puis c'est des faits trouvés sur Internet. Fait que ça veut pas dire que c'est vrai. Commençons par Jacuzzi. Savais-tu, François-Olivier Marchand, que oui. Jacuzzi est un nom de marque de commerce? C'est pas un jacuzzi? Non, je savais pas, mais en même temps, vois-tu, je pense que... Je pense que c'est logique. C'est comme des skidoo. Skidoo, ouais. Ben oui. tout à fait. Donc, Jacuzzi est un nom de compagnie. Vous pouvez aussi acheter des toilettes de marque Jacuzzi et des matelas. Des matelas? Jacuzzi. Ah, ça, c'est bizarre. Étrange, hein? Ouais. Moi, j'étais vraiment pas au courant de ça. Au Royaume-Uni, même chose, hein? Une marque de commerce pour le mot cellophane. Cellophane? C'est une marque de commerce. Ah. La plupart des cellophanes ne sont même pas faits du matériau le cellophane. En fait, c'est du biaxially oriented polypropylene. Propylène de quelque chose, là. Orienté biaxialement. Avec du pétrole. Avec du pétrole, probablement. Non, il y a vraiment des marques. Là, ça dépend vraiment. Là. Du cellophane, là, mettons, comment on appelle ça? C'est quoi le mot en tant que tel commun pour ça? Pellicule de plastique. Ouais. Plastique cover, patente. Ça dépend vraiment des marques, lesquelles qui marchent. Hein. Sérieusement, ouais, là, ouais. Ça, c'est une des sortes de produits qui est, on dirait, la plus difficile à copier correctement. Une fois que tu en trouves une bonne, change. Reste avec. Ouais. C'est ça. 2 milliards de livres de céleri, d'accord, poussent à chaque année aux États-Unis. 2 milliards de livres de céleri poussent à chaque année. Chaque année. C'est aux beaucoup États-Unis. De céleri pour le couvrir. T'sais. Ouais, juste aux États-Unis, imagine dans le monde. Est-ce que tu manges beaucoup de céleri? Ben, tu sais, ça se trouve, t'en mets partout. Je pense que. Tu fais une sauce à spag dans le monde. Oui, oui. Mais tout seul, là, mettons. C'est plate. Hein? Ouais, non, c'est plate. C'est le légume le plus plate, je trouve. Des fois, en fait, là, ma copine, elle le coupe, puis elle le met dans l'eau. Moi aussi, elle fait ça des fois. Depuis quelques semaines, on dirait, c'est comme la saison, là. Ouais, ouais. Ouais, mais je trippe pas. Sinon. Avec du beurre de cacahuète, non? Ouais, non. Non. Non. Cheese Whiz, non. Non. Oh, Cheese Whiz, qui est une marque de commerce. Hein. Ouais. Tartinade j'allais dire saveur de fromage, même là, c'est tiré par les cheveux. À ben, ressemblance c'est visuelle à du fromage. Ouais, c'est ça, exactement. Vive le colorant. C'est ça. Et le goût qui goûte pas. Ben, en tout cas, bon, peu importe. Hein. Ça aussi, ça dépend des marques. Le Cheese Whiz, dur à imiter. Ouais. Ça me lève le cœur seulement. Vous pouvez changer votre grand-mère, parlant de choses qui lèvent le cœur, je trouve ça bizarre un peu. Vous pouvez changer votre grand-mère en diamant. Non, non, pas la grand-mère qui me lève le cœur. Le fait qu'on peut la changer en diamant. Je pensais que les grand-mères, t'as levé le cœur. Ben là, quand même. Ah, les G-MILF. Les G-MILF. Les G-MILF, François. Oh. Les G-MILF. Des compagnies comme Everlasting Memories et Life Gem vous permettent de changer vos êtres chers en diamant. Un diamant spécial qu'on appelle, en fait, on appelle ça un diamant de crémation. Ou un diamant memorial. Fait avec les restes de l'inhumation. C'est ça. Ben, pas n'importe quelle sorte de reste, là. Hein? Les cendres. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'autres sortes de restes, hein? On s'en porte pas non plus. Là. Le diamant peut être fait à partir des cendres d'un être cher ou à partir d'une couette de cheveux. Le processus crée des diamants de haute qualité en souvenir de vos êtres chers. Vous pouvez choisir la couleur, soit bleu, jaune, rouge, vert ou aucune couleur. Qui coûte, soi-disant... Une beurrée. C'est une beurrée de beurre pignon. Une beurrée de cheese whiz. C'est pas aigri. Ah, ça doit être très cher. Ouais, c'est ça. Une tartinade, comme on dit en français. Ça coûte une tartinade. Bon. Un étudiant en médecine, restons dans le même domaine, là, a presque eu à disséquer. Comment qu'on dit le verbe disséquer? Disséquer. Je l'ai dit. Sa propre grande tante. Oh. Sa propre tante. Okay, sa tante est morte, elle avait donné son corps à la science. C'est exact. Exactement ça. C'est arrivé en 1982 à l'Université de l'Alabama, à l'école de médecine là-bas. Une classe d'étudiants en médecine se sont fait présenter 9 différents cadavres. J'espère qu'ils étaient différents. 9 fois le même cadavre, ce serait bizarre. Qu'ils allaient donc disséquer. Et même si l'étudiant en tant que tel n'était pas assigné à sa grand-mère, il a reconnu un des cadavres devant lui, un des 9. Donc, il était sa comment on dit ça? Great aunt, son arrière-tante ou tante... Ouais. Deuxième degré, ou je sais pas. Ouais. Bref. Une tante, là. Une tante, là, on s'en fout. Donc, dans le fond, ils ont remplacé le cadavre immédiatement une fois qu'ils ont entendu parler de ça. Ça doit être assez plate comme expérience. Assez, hein? Tu veux pas vivre ça? Ben, ben nécessairement. Tu te demanderais pas, je peux-tu vivre ça? Sais-tu qu'il y a au-dessus, on change tellement de domaine ici, il y a au-dessus de 100 saveurs de Doritos dans le monde. Méchant changement de domaine. Hein? Donc, les chips tortilla préférés de tous sont fabriqués depuis 1964 et partout dans le monde, il y a plus de 102 saveurs en ce moment. Il y en a peut-être même plus que ça depuis l'article. Certaines ont été évidemment des sorties limitées de certaines saveurs et d'autres ont été discontinuées. Mais quand même, quelques saveurs intéressantes, François. Là, celui-là, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais R-O-E et mayonnaise. Saveur de mayonnaise. Je peux comprendre, des frites avec de la mayonnaise, c'est vraiment, vraiment bon. Oh, ouais, ouais, c'est bon. Ou des patates au four. Là. Ah, je sais pas. Non? Oh. Moi, je l'essaierais certainement. Alors que celle aux algues, je l'essaierais moins. Non? Aux algues? Oh, je sais pas. La prochaine, tu vas l'adorer. On dirait que dans mes croustilles, je suis quand même quelqu'un de conservateur. Pour vrai, moi, non, je suis très, très, très, très ouvert d'esprit dans les chips. Parce que la compagnie Le Choix du Président fabrique un paquet de sortes à pizza, hot dog, côte levée. Il y a des super genre obscurs. Mais tu sais, quand tu tombes dans mayonnaise... Mayonnaise! Algues. C'est bon surtout, mayonnaise. Ah, des algues, là, ça, c'est plus culturellement asiatique, là, je pense que... c'est ça. Mais ça pourrait être bon, tu sais. Ça pourrait être bon, algues, tu sais. Regarde, il y a des sushis avec ça, des affaires... C'est toujours bon, tu sais. Je suis sûr que c'est... celui-là, le prochain, j'ai de la misère avec un peu. Yogourt et menthe. Doritos au yogourt et à la menthe. Non. Quoi qu'il y a des affaires au yogourt, mettons, poulet au yogourt, c'est bon, tu sais. Oui, mais tu sais, c'est pas la même chose pantoute, là. Tu sais, ton poulet est quand même chaud. Ouais. Tu sais, les chips, puis tu sais, Doritos, d'habitude, c'est épicé, là. Pas toujours, non. Non? Non, pas toujours. Il y en a où rondelles d'oignon et ketchup. C'est bon, ça. Mais c'est épicé? Pas si épicé, non. En tout cas, non, je serais ouvert à les essayer, c'est ça. Au crabe, ça, est-ce que tu as goûté aux chips? Il y a des, dans différents supermarchés, il y a des, dans la section nourriture du monde, là, c'est genre. Ouais. Bon, il y a tout le temps des chips au homard, au crabe ou aux crevettes, des affaires comme non. ça. Non, ah, c'est bon, aux crevettes, là, sérieusement, là, j'en mangerais 3 sacs dans une soirée facilement, là. C'est genre pouffi, là, genre, c'est super bon. Donc, non, j'essaierai ça, c'est sûr, des Doritos au crabe. Ils disent Winter Crab, crabe hivernal, je sais pas ce que c'est. Bon. Une sorte de crabe. Hein? À un moment donné, quand tu commences à nommer ta sorte vraiment spécifiquement la sorte de crabe sous branche, là, pas bien sûr que ça goûte juste le crabe. En général, c'est des chips. Là, alors, miam, ça me donne faim. Vraiment. Where in the world is Carmen Sandiego? Tu connais, mais où se cache Carmen Sandiego? Oui. Wow! J'ai même déjà assisté à un enregistrement. Pour vrai? Ouais. Arrête, je connais quelqu'un qui est allé. Ouais, c'est le fun. Est-ce que t'as aimé ça? Bon, plus ou moins. Martin Drainville, hein? Pauline Martin. Ouais, mais en même temps, je sais pas, non, c'était bien normal. Ok, bon, d'accord. Je retournerais pas. T'irais voir quoi, mettons, t'irais assister à quelque chose? Qu'est-ce que j'irais voir avec une bonne question? Deux filles le matin? Non. Non. Ça, y a pas de danger. je sais pas, là, l'air de même. Donc, mais où se cache Carmen Sandiego a été créé, ça, pour répondre à la très petite connaissance géographique des Américains. Donc, c'est National Geographic qui avait fait un sondage avec des Américains et les résultats étaient très étonnants. Un Américain sur 4 était incapable de localiser l'Union soviétique ou l'océan Pacifique. Eh bien. Originalement, Carmen Sandiego était un jeu d'ordinateur adapté ensuite pour la télé. L'émission a été diffusée en prime time à partir du 30 septembre 1991, donc à heure de grande écoute. Et jusqu'à maintenant, ça a le record, ça a été le jeu télévisé qui a duré le plus longtemps sur la chaîne, sur le réseau PBS, le réseau de télé publique américain. Quand même pas pire. Il y a eu différentes versions, hein. Il y a eu Carmen Sandiego. Where in space is Carmen Sandiego? Tu sais, genre, oui, dans l'espace. Là, c'était super science-fiction. C'était pas super. Pour enfants, c'est bien. Savais-tu, François-Olivier, que Sears vendait de la cocaïne dans le temps? C'est pas sérieux. Je te jure. Au début des années 1800, la cocaïne et d'autres drogues étaient donc non régularisées. Comment t'appelles ça? Genre, c'était pas une drogue qui était gérée. Là. Ouais. Genre illégale, mettons. Il n'y avait aucune recherche qui avait été faite sur ces drogues-là, donc elles avaient l'air complètement... ça pouvait pas faire de mal à personne. Dans les années 1890, Sears, qui à l'époque s'appelait Sears & Roebuck, le catalogue, dans leur catalogue, on pouvait acheter une seringue avec de la cocaïne pour seulement 1,50$. Tabarouette. Hein? Puis imagine pendant les jours Sears, où ça devait coûter genre la moitié du prix. Il y a tout à des jours Sears, on dirait que c'est comme 6 mois Sears plus. C'était pas avant le début du 20e siècle que la cocaïne, dans le fond, a été, c'est ça, que ça a été découvert, là, que c'était peut-être pas une bonne affaire et que c'est devenu illégal. Oh mon Dieu. Une adolescente américaine a survécu après que son avion, l'avion dans lequel elle volait, a explosé. C'est Julianne Kopke qui a non seulement survécu à la chute après l'explosion, mais... Elle a non seulement survécu à la chute, mais en plus, elle a survécu à l'explosion de son avion en plein dans les airs. Sac! C'était le soir de Noël en 1971. Hein, c'est béni. Que l'avion que Kopke faisait voler, en fait, a été frappé par l'éclair et s'était désintégré à 10 000 pieds dans les airs au-dessus d'une forêt... la forêt des pluies, en tout cas, péruvienne. Quand elle s'est réveillée de sa chute, elle était encore prise après son siège, donc attachée. Elle a survécu en mangeant des bonbons pendant 9 jours et elle a été découverte par des bûcherons qui ont aidé à la ramener à la civilisation. Donc, vous voyez maintenant que les bûcherons peuvent servir à quelque chose. À part juste gâcher des forêts. Ouais. Bizarre. Bizarre. Continuons rapidement. La plus jeune mère du monde avait 5 ans. En 1939, Lina Medina, oui, du Pérou, à l'âge de 5 ans, a livré son premier enfant, un enfant en santé. Sa famille l'a amené voir un docteur parce qu'il croyait qu'elle avait une tumeur qui grossissait dans son estomac. La famille a été choquée d'apprendre, évidemment, qu'elle était enceinte. Son fils est né à 6 livres, dans le fond. À 6 livres, c'est à 5, hein? C'est un gros bébé. Était élevé par les parents de Lina et c'était pas avant l'âge de 10 ans qu'elle a découvert, Lina, qu'elle était vraiment la mère et non pas la sœur de l'enfant. Il n'y a aucune évidence, aucune documentation pour dire qu'il était le père du fils de Lina. On a tous nos suspicions là-dessus, mais quand même. Lina s'est ensuite mariée avec un autre gars, j'espère. Et ensuite, a eu son deuxième enfant à l'âge de 33 ans. Tabarouette, hein? Hey, t'as 5 ans de différence avec ton enfant. Mm. Fait que dans le fond, mettons. T'es pas apte à t'en occuper. Là. Non, tu, je m'excuse. Mais mettons que le père est le père de Lina. Mettons, là, suspicion, là, on peut dire n'importe qui. C'est pas mal la première affaire que les gens penseraient. Peut-être que le père de Lina était le père, dans le fond, de son propre petit-fils. Dans le fond, il était le père de son. Ouais. C'est ça. Mettons, ouais. On suppose. C'est pas fantastique. Pas tout à fait fantastique. Et on termine avec un dernier fait. Tiens, les souris qui ont été exposées au heavy metal, ouais, sont devenues agressives et même meurtrières. Meurtrières? Meurtrières. C'est une étude conduite par David Merrill qui a exposé des souris à du heavy metal pendant 24 heures par jour. D'accord? Le groupe qui était choisi, c'était Anthrax, OK? Le groupe Anthrax. OK. Bon. Il essayait avec son étude de montrer que le heavy metal pouvait affecter leur habileté d'apprentissage à ces souris-là. Donc, ce qui l'a choqué, c'est que l'expérience n'a pas pu être terminée. Parce qu'à la place de compléter un labyrinthe qui leur était proposé, les souris heavy metal se sont tuées les unes les autres. Hein? Mais c'est sûr que, écoute, 24 heures sur 24... N'importe qui virait fou, là. Ben... Avec d'autres expériences, Merrill a exposé les souris à du heavy metal pendant 10 heures par jour. Seulement 10 heures par jour au lieu de 24 heures. Et même si les souris ne sont pas devenues meurtrière pendant cette expérience-là. Donc, tu l'as dit, c'est le 24 heures qui avait changé quelque chose, apparemment. Pendant 10 heures, c'était pas le cas, mais elles étaient beaucoup moins bonnes pour réussir le comment t'appelles ça, le labyrinthe que celles qui n'avaient pas eu de heavy metal. Du tout. Oh. Étrange quand même, hein? Mm. Eh ben. Et pour terminer cette chronique, c'est un fait, on va s'écouter une pièce un petit peu intense, mais on n'irait pas jusqu'à classer ça dans le heavy metal, hein? Non, c'est le groupe Against Me avec la pièce Exhaustion and Disgust. Merci, exactement. On écoute ça pour terminer la chronique, c'est un fait d'aujourd'hui. Pensez aux petites souris. Ouais. Et on revient avec... Devenez pas agressif. Non, ben non, jamais. Et on revient avec Myriam Fugère. Reste là. Just growing exhaustion and disgust, no longer difference between. A cynicism has been riding itself into my skin, and I am sick to death of it. Way, sets around in circles, struts ourselves in effigy. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est la deuxième heure d'Assemblage Rocky, votre émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de CFO à Trois-Rivières ce mercredi 26 octobre. Et lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, t'as l'air fatigué, François. Ouais, quand même. Tu vas te réveiller, ouais. Myriam va te réveiller, hein, Myriam. Ah, je suis pas sûr. Non? C'est l'effet inverse. Ah, c'est pas fin, ça. Défends-toi, là, défends-toi. Ferme son micro. J'ai rien à dire, hein, parce que ça coule sur mon dos comme sur le dos d'un câlin. Comme sur le dos d'une cuillère. Cassé! Voilà. La pluie de tes injures n'atteint pas le parapluie, voilà, de mon indifférence. Wow! Tabarouette! C'est même pas vrai, je suis complètement blessée! Bon, remets-toi-en et puis reviens-nous avec un quiz sur les films d'horreur tantôt qu'on va tous les deux pocher parce que je pense qu'on a vu aucun film d'horreur dans notre vie. Ah, c'est ça! Écoute, c'est pas grave, on va s'amuser. T'es pas tombé avec des fans de films d'horreur. C'est pas grave. On écoute Profolol. Voici Fibre Optique, nouveau succès du palmarès francophone de CFU. Propofol, et non pas Profolol, je suis pas capable de le prononcer comme faux ce nom-là. Propofol. Propofol avec fibre optique. Qu'est-ce que. Ça se met-tu écrit dans mes oreilles? Je voulais juste. Oh boy! Je parle normal. Désagréable. J'espère. Voyons! Je pense qu'il me cherche là, ce matin. Il n'est pas encore ouvert. Ah, pas, on n'a pas commencé le quiz, ah, François, encore. Okay. Attention. Je pensais que c'était une question que tu me posais. Non. Ah, pas de question. Excuse-moi. Non. OK. Calmez-vous. Okay. C'est elle qui me cherche. Ouais. Il y a de l'hostilité. Il y a de l'hostilité dans l'air. Hein. C'est, François et les filles, en général, à l'émission, c'est jamais très, très, très, très reposé. C'est ça. Pour ça. Mais moi, je t'hostile avec le plus gros sourire au monde. Ouais. T'as l'air très méchante et vraiment. Voici Myriam Fugère, c'est sa chronique culturelle. Aléatoire. Aléatoire. Un peu comme le groupe Propofol, que je ne suis pas capable de dire comme faux, je dis tout le temps chronique culturelle, c'est chronique aléatoire. Donc, Myriam, bonjour. Hey, salut. OK, bonjour. Je vais l'ouvrir ton micro, fais-en des sons. Fais-en non, je me garde pour le quiz. Il est hyper actif un petit peu. Parce qu'avant de commencer le quiz sur les films d'horreur, je voulais que tu nous parles un petit peu de ton histoire de ce matin avec ta bague, s'il te plaît. Raconte-moi ça. Hey, ce matin, ben, c'est parce que tu sais, des fois, quand tu as les mains un peu plus froides, ben, on dirait qu'ils rétrécissent. Là. D'habitude, ça rétrécit pas mal au froid, ouais, c'est vrai. Hein? Ouais. Ouais. En tout cas, ma bague que je porte toujours lorsque j'ai voulu fermer la porte de ma voiture est, selon moi, partie. J'ai entendu « bing ». Puis là, je me suis dit, vu que j'ai entendu « bing », elle est tombée par terre puis elle a roulé bien loin. Ouais. Puis il y avait une trappe d'égout très près de ma voiture, alors j'avais peur que ce soit tombé à l'intérieur. Bref, je rentre dans le studio complètement découragée quand soudain, en distribuant mes jouets aujourd'hui... On a des jouets. Yeah. Ben, je trouve ma bague dans mon sac. J'ai tellement de chance. Donc, voilà. Ou comme t'as dit, t'es... T'es mardeuse. C'est où? T'as hésité à le dire, hein? Je sais pas. Oui, sûr, j'ai beaucoup de chance. Oui. J'ai beaucoup de chance. T'as ça, toi. Oui. Donc aujourd'hui, tu nous en parles de quelque chose qu'on n'est pas sûr que ça va être... Moi, je pense que ça va être un échec total. François? Je pense que oui. Je vais essayer de faire ça. Ouais, parce que là, je leur ai apporté des espèces de petits buzzers. Donc, ouais. On fait des tests, Mathieu. OK, buzzer. François? OK, on l'entend pas beaucoup, fait qu'on est sûr que tu vas perdre. Maintenant, donc ouais, c'est ça un quiz je suis battu, sur ouais, les... Il m'a crié. Je vais le voir, je vais le voir. OK. Je vais être bon juge. Donc, bon, Mathieu, t'es prêt à gagner. Oui, merci. C'est quoi le nom de ton quiz? Je m'en rappelle plus. J'avais écrit sur Facebook un truc du genre quiz film d'horreur ou je sais pas quoi, là, mais bref, j'avais... En tout cas... OK, parce que je voulais te faire une intro, tu sais, genre... Le quiz terrible. C'est le quiz terrible de l'horreur avec Myriam Fugère. Alors, ce sera ça. Enfin, bref, on commence ça. En fait, j'ai 10 questions pour vous. Certaines sont à choix de réponse, d'autres, vous devriez... on va se débrouiller. Ça, c'est question en développement. On va se débrouiller. Donc, en novembre... bon, là, j'aimerais ça que vous me laissiez terminer la question. Non, mais si je connais la réponse, je peux... Arrêtez-vous pour virgule, quand même. Hein? Bon, en novembre 1974, a eu lieu un drame familial qui nous sera raconté plus tard dans plusieurs films comme Amityville, La Maison du Diable, Amityville, Votre Heure a sonné et La Maison de Poupée. Dans quel état des États-Unis se situe la ville d'Amityville? Vermont. Oui, non. Non? Massachusetts? L'Utah. Non, c'est pas loin. C'est Massachusetts? Ben là, Kim, le Connecticut. Non, c'est dans l'état de New York. Ben, bat-toi évident. Ben, Vermont, Vera, j'étais proche, ça. Oui, moi, je voulais savoir, c'était le. Boy, qu'on a du fun! Excuse-la de vouloir les bonnes réponses, François. Non, mais tu sais, donne-moi une chance. À la limite, tu m'aurais dit les États-Unis. C'est proche, c'est proche. L'état des États-Unis. Ouais. Tu me niaises-tu? Donc, non. Donc, on entend souvent des gens qui, à la rigolade, font des coups de téléphone en disant. Quel est votre film d'horreur préféré? Alors, de quel film prennent-ils leur inspiration? C'est facile. Film de peur. Non. Frisson. Droit de réplique. Ouais, droit de réplique parce que ça fait une demi-heure qu'il fait que ça grenouille. Frisson? Oui, c'est ça. Bravo, François. Ouais, tu comptes les points. 1-0 pour moi. Ben ouais. Donc, 1-0. C'est vrai, j'ai pas sorti mon petit crayon, mais c'est pas grave. Donc, 1-0. Je vais mettre comme ça. Il l'a. OK, oui. Donc, moi, quand je suis allée... en fait, je suis allée voir l'avant-première du film Frisson, OK? Le Frisson 4. Puis, il nous présentait... C'est vraiment très bizarre parce que, tu sais, tu pourrais faire des affaires... Ah, François! Non, mais je sais pas. Écoute. Elle a un doigt avec un et un doigt avec un trou dedans. Oh, mon Dieu! Hein? Si c'est pas ça qui le réveille ce matin. Donc, en fait, c'est ça. Je suis allée voir l'avant-première du film Frisson. Puis... T'as vraiment de l'air intelligente. Ouais, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je me sens pas plus inférieur pour ça. Moi, j'y connais les réponses, moi. Mais c'est comme si le score était dur à retenir en ce moment. Non, c'est ça. Donc, Enfin bref, quand j'allais voir l'avant-première, elle présentait Frisson 1. Puis j'ai jamais vu ça dans un cinéma, les gens rire autant dans un film d'horreur, premièrement. Ouais. Et lancer des commentaires, vraiment là, ça ne se gênait pas pour crier leurs commentaires et c'était très drôle. Parce que vous réécouterez le Frisson 1, 2, 3. C'est une question? Là. C'est... Non, non, là, ah. Oh, c'est une c'est anecdote, du contexte, là. Je suis proche, je sais, mais. J'en ai plein de contextes, là, même, fait que habitue-toi. Toi aussi, t'as un trou sur le côté de ton crapaud. Hein, il dort, ah. Ouais, ouais, tu sais. Check. Un, le bâton et un trou. Ouais, bâton et un trou, ouais, mais c'est fait pour ça. Ah, c'est ça. Donc, un film d'horreur de 1999, tourné sous forme de documentaire avec un budget de seulement 25 000 $ est à ce jour le film le plus, je finis ma question, le plus rentable de l'histoire du cinéma avec des recettes de 249 millions. Est-ce que c'est à moi? Ah oui. De quel film s'agit-il? Le projet Blair? Oui! Ah! Bravo! C'est très bon. Vas-y, en fait, vas-y, vas-y. Ils ont fait en fait le film, ils ont donné très peu d'indications aux acteurs. Ils ont fait une espèce de propagande avant le film qui disait... propagande avant le film qui disait que c'était un réel documentaire filmé par de vrais étudiants en cinéma. Sauf que, bon, finalement... C'est bien fait, c'est un des premiers films de ce genre-là. Ouais, mais c'est très cool. Moi, j'ai aimé ça. Pas de faire ça, j'avais peur. Tantôt, je clame que j'avais pas peur, là, mais là, ça, j'étais un petit peu effrayé. Il y a une suite à ça, non, genre? Ouais, un 2 plate. Ouais, je l'ai pas. Ouais. T'arrêtes au premier. Un gros fail dans le 2, mais là, c'est parce qu'à un moment donné, ça a plus rapport parce que t'as pas l'effet véridique là-dedans. Pourquoi est-ce que ma main dit dans ton cul? Parce que ça vient d'où, ça? C'est ça? C'est une main qui claque. Ah, ça. Écoute, bon, en tout cas, je te raconterai peut-être ça une autre fois. Là. Okay. Dans un autre contexte, je te ferai une chronique là-dessus. C'est bon. Dans le film Halloween, quel est le nom de la première victime de Michael Myers? A. Nathalie Sanson. OK. B. Attends un peu. Je vais m'approcher. Je pensais pas l'avoir, celle-là. Laurie Strode. C. Laurie Strode. C. Judith Myers. Ou D. Linda Van Der Klok. Judith quelque chose. Judith Myers? Ouais. Excellente réponse. Yeah! C'est en fait la sœur de 16 ans de Michael Myers qui a tué à seulement 6 ans. Oui, tu faisais ça. Ben oui, hein, c'est ça. Maudit mauvais perdant. Il est tout mauvais perdant. Donnez-moi une chance. Bon. Hey, c'est 2-1 en passant. Ouais. Oui, excusez-moi. Bon, donc, dans la première parodie de film de peur, les personnages principaux font dans un flashback une virée en voiture. Quel film d'horreur veut-on parodier lorsqu'ils frappent un pêcheur avec leur véhicule? I Know What You Did Last Summer. Excellente réponse. Sans jeu de mots. L'été dernier. Hein? Ouais. Comment le pacte du silence. Ouais, je sais pas en français, là, mais c'était tout à marquer ça. Là, ouais. I Know What You Did. Ouais, ben, même sur la pochette en français, je pense que c'est ça qu'il écrit. Comment? Pour avoir déjà travaillé au Vidéotron. Le pacte là. Du silence? Ouais. C'est pas Souviens-toi l'été dernier. Ça, c'est la version française de France. Ah, c'est tellement meilleur. Pour une fois que les Français font quoi de bon, hein, on aurait pu l'adapter. Ah, ben oui, pourquoi pas. Le pacte du silence. Donc, un de mes films d'horreur préférés. Puis là, je vais dire « horreur » avec des guillemets, là, en défaisant tout le pointage. j'ai trois, hein? En fait, pour moi, c'est plus... C'est toi, deux. Ben oui, mais j'y revenais, là, c'est parce que, regarde, tu tes guillemets... Hey, c'est 3-1. 3-1. 3-1, excuse-moi. Hey, donne-toi pas un point, ouais, là. Non, c'est ça. J'ai essayé, au moins. Hey, le tricheur. C'est moi qui ai les droits. Ben, faut bien, j'ai pas de talent. Bon. Donc, en fait, je dis que c'est plus un film de suspense, en fait, qu'un film d'horreur pour moi. Mais vu qu'il y a un tueur puis beaucoup de sang, ben, on va dire horreur. En fait, il s'agit du film Ça ou Décadence. Dans ce film-là, quel est le vrai nom du metteur en scène de tous les jeux, celui qu'on surnomme Jigsaw? Le vrai nom du Jigsaw? A. Un instant, j'ai des choix de réponse pour vous aider. A. Craig Hoffman. B. David Tapp. C. John Kramer. Ou D. Paul Leary. John. John Kramer? Ouais. Et maudit que ton hasard est bon. Ah! Ah! Hasard, tata! T'es vraiment tata, bon. Merci. Toi, t'es vraiment push. 2-3. 2-3. Non, 2-3, c'est le meilleur en premier. Bon. Non, mais tu sais, ça paraît pas que tu as envoyé des. Mais des choix de réponses, là. Tu choisis au hasard, pis t'as une chance sur à peu près 4, je dirais. C'est souvent C, là. Ouais, c'est aussi à date. Non, mais je me suis dit, il faut que je me force pour pas tout le temps mettre C. Parce que ça, on n'a pas le goût de mettre la vraie réponse. Mais c'est prouvé scientifiquement. Si tu sais pas une réponse dans un examen, t'as plus de chances en indiquant la lettre C. Le C? Ah, ouais. Parce que psychologiquement, tu sais, tu veux pas que ce soit le premier, tu veux pas que ce soit le dernier. Le deuxième, c'est comme trop proche du premier, fait que t'as le troisième. Parce que le dernier, tu mets comme une intonation aussi dessus. Ah oui? Ouais. Moi, en le disant, en tout cas. Quand c'est la réponse, j'ai une grosse intonation. Okay. Le prochain, ce sera pas un C. Fait que le prochain, ça nous donne une chance sur trois parce que ce sera pas C. Faut penser. B, C, A, D. Bon. Donc, quand on était jeunes, certains d'entre nous, en fait, imaginaient que leurs jouets pouvaient parler ou bouger. Dans Jeux d'enfants, on découvre que c'est possible lorsque le défunt tueur en série, Charles Lee Ray, prend possession d'une poupée grâce à ses connaissances en vaudou, que l'on appelle Chucky. Au fur et à mesure que l'on sort de nouveaux films étant vedette Chucky, ben on se rend compte que c'est plutôt des films à humour noir, des films en fait qui parodient d'autres films. C'est d'ailleurs beaucoup le cas dans les deux derniers volets, dont La fiancée de Chucky et Le fils de Chucky. Donc, finalement, la question, c'est dans La fiancée de Chucky, quel était donc le nom de cette fameuse fiancée? A. Tiffany. B. Déborah, là, je vais donner une intonation sur toutes. C'est Shannon ou D. Glenda. Répète les choix, s'il te plaît. A. Tiffany. B. Déborah. C'est Shannon ou D. Glenda. Vas-y. A. Ben voyons. Ça sonne mieux. Tiffany, c'est Tiffany, ça? Tiffany, oui, c'est ça. Tiffany oui. Chucky. Ça. Parce que Glenda, en fait, c'est Glenda, l'enfant qu'auront Chucky et Tiffany. Hey. Parce qu'ils prendront possession de deux corps. Alors, ça, je pense que c'est sacré pendant que tu parlais, mais. Alors, c'est 3-3. Ça y enlève un point. Non. Oh, oh. Bon, mais là, hey, faut être juste. Hey, un demi-point, mauvais joueur. Hey, quoi tu veux, toi? Il dit quoi tu veux, toi? Tu me cherches-tu? Non, mais tu sais, t'aurais pu m'envoyer les réponses à moi aussi. Ah, mais c'est pas drôle, je sais pas envoyer les réponses. J'ai-tu regardé mes messages textes sur mon Facebook depuis tantôt? Bon, vrai ou faux? Faux. Hey, le ça, là. J'ai-tu un point? Moi, bon, je sais pas si c'est la bonne réponse. Faut que t'as pas dans le film Candyman, sorti en 1998, racontant la légende d'un esclave noir tué pour avoir mis une riche vierge enceinte qui revient d'entre les morts lorsqu'on dit 5 fois Candyman devant un miroir. Est-ce vrai que l'étudiante qui enquête sur la légende de Candyman dans le ghetto de Cabrini Green finira par sauver tout le monde et enfin se débarrasser de Candyman? François. Faux. C'est faux, en effet. En fait, Hélène ne sauvera qu'un bébé des griffes du feu au péril de sa propre vie. Puis à la fin du film, ben, on voit son mari infidèle qui dit 5 fois son nom à sa femme devant un miroir. Et Hélène réapparaît le sourire aux lèvres derrière lui pour l'éviscérer avec un couteau de boucher. Alors, c'est maintenant 4-3. 4-3, OK. Il reste combien de questions? Fantastique. Super motivé. Il m'en reste 2. OK, parfait. J'ai le temps de me rattraper parce que là, je te l'ai laissé parce que t'avais déjà répondu. Wow! J'ai même pas essayé. Hey, t'avais 2 points d'interrogation dans tes yeux. Mais c'est parce que sinon, j'aurais répondu vrai pareil vu que t'avais répondu faux. Ça doit répliquer. Je vais gagner. Alors, question numéro 9. Je vais vous en faire d'autres des quiz, les gars. On dirait que ça vous amuse. C'est le fun. Je suis rapide sur sa grenouille. Sur le mouvement de va-et-vient, très rapidement, on sait. Dans le remake du film de 1974, Massacre à la tronçonneuse. Oh, je l'ai vu. Ça, c'est le fun à dire. The Texas Chainsaw Massacre. Massacre. Sorti en 2003, que porte au visage le tueur à la scie? J'aimerais ça dire mes choses. Non, vas-y. Mais j'ai pas écrit pour rien, puis je me suis forcé en plus. Mais là, t'as pas le droit de taquer, toi, là. Ben, je sais, c'est quoi, tu sais même pas c'est quoi. Un masque de hockey trouvé dans la voiture de sa première victime. J'ai dit que j'allais dire mes choses de réponse. Oui. B. Rien. Il a des brûlures au visage et un chapeau. C. Une cagoule ou D. De la peau ramassée sur ses victimes. Oh, François, t'as la réponse? Je dirais A. Oh. Doigt de réplique. Ah! OK, répète-moi les choix B, C. Il l'a vu! Il dit qu'il l'a vu! Il a pas le droit à l'autre. Ça, c'est Freddy, ça. Oh. Hein, le masque de hockey, c'est Freddy. Hein. C'est Jason. Jason. En tout cas, bref. B, C, D, il n'y a pas l'autre choix de réplique. C'est moi. Là, c'est moi. Ben, c'est quoi ta réponse? Ben, c'est quoi les choix de réponse? C'est B, C. Donc, A, un masque de hockey. Donc, si on sait que c'est pas la bonne réponse. B, rien. Il a des brûlures au visage et un chapeau. C, une cagoule. Ou D, de la peau ramassée sur ses victimes. Je sais vraiment pas. J'ai-tu droit à un choix de réponse? Non. C'est moi le droit de réplique. Si je l'ai par hasard total. Ah, vas-y. Si je l'ai pas, tu l'as. Dis B. Je dirais C. Une cagoule? Avec un chapeau. Non, D. Non. Attends, il essaye. Ah, je sais pas. Non, OK, je donne pas de points à personne. Mais... Oh. La réponse, François, c'est quoi? C'est B. Non? C'est pas ça. C'est D, hein? C'est quoi, D? Parce que je me rappelle plus. OK, t'avais pas de bonne réponse. Là. Oui, long. La bonne réponse, c'est de la peau ramassée sur ses victimes. C'est ça, on cherche pas. C'est B, ça? Non, c'est D, ça. Ah. En fait, il coupe la peau, puis il se met toute la face. Ah, c'est super. Parce que c'est une famille de cannibales. Donne envie de le voir, ça. Bref, donc c'est 4 à 3, okay. Toujours. Il reste juste une question sans faire une égalité. Dernière question. Alors, je vais vous en inventer une. Parfait. Donc, Freddy Krueger est un célèbre personnage de film d'horreur s'apparentant au croque-mitaine parce qu'il entre dans les cauchemars des gens qui habitent sur M Street pour les tuer. Il a la peau du visage extrêmement brûlée. Pourquoi? A. Lorsqu'il était petit, son père le battait et lui a un jour brûlé le visage. OK. B. Il tuait des enfants dans une chaufferie. Les parents ont voulu se venger. Ils ont mis le feu alors qu'il était à l'intérieur. C. Alors qu'il allait tuer un enfant dans la vieille chaufferie, en se débattant, l'enfant lui colla le visage sur une chaudière encore à haute température. Ou D. Les parents des jeunes sur M Street réussissent à l'extirper d'un cauchemar pour l'immoler dans une station de service. C'est vas-tu? Ouais, vas-y, vas-y. Je dirais D. Yes, sir, yes, sir. C'est bon pour moi, ça. C'est bon pour moi, ça. Hey, là, je sais pas, on dirait que j'hésite. C. Non! C'est pas ça. Non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. La réponse, c'est B. Il tuait des enfants dans une chaufferie. Les parents ont voulu se venger. Ils ont mis le feu alors qu'il était à l'intérieur avec des cocktails Molotov. Ben oui. Et puis bon, en terminant, je veux vous inviter à vous rendre à l'activité effrayante qui est organisée par la prison de Trois-Rivières. Ah, ça a l'air génial. Moi, j'y vais jeudi. Cool. Toutes mes amies ont la trouille. J'ai vraiment hâte d'y aller. Moi, je suis excitée. C'est l'heure qu'elle me sort. Tu dors pas là? Non, je dormirai pas là. Tu peux dormir là? Ben, en fait, tu peux faire en prison là, en même temps, je pense. Ah, OK. Fait que ça, c'est bien cool. Ça a l'air que ça fait peur. Puis il y en a qui voient des esprits. Puis des... C'est vrai? Ouais. Il y en a qui voient des esprits. Ah. C'est sûr? Mais faut que tu sois ouvert à ça. Ouais, je suis ouvert. Dans la bain de voir. Ben, je suis ouvert, là. Non, hey, ça a l'air un peu bizarre, mais comme je disais à Mathieu, moi, je suis pas un amateur de films d'horreur, mais j'écoute Antise à Canadé. Et puis, là, j'ai comme semi. Ouais, j'ai peur un peu. Surtout quand t'es tout seul chez toi. Ouais, mais tu sais, je suis pas quelqu'un qui a peur facilement. Mais. Aïe, aïe. Les yeux, bêtes. Mais je l'ai mis avec lui. Hey, c'était le fun. Mais je vais en faire sur d'autres sujets, là, des quiz. Quelque chose qu'on pourrait genre connaître. Là. Ouais. Ce coup-là, je pourrais peut-être avoir les mains avec. Je vais faire sur Nintendo là, la prochaine fois. Ah, cool. Ouais, on s'est changé. C'est pas grand-chose, ça. Tu prendrais les mains. Moi, les mains, ils disent dans ton cul, puis ils disent journaliste. Puis go radio, go. Ah, c'est super. Hein? C'est Myriam, hein? C'est ça. Go, non, radio, go! Wouhou! Ouais. Donc, qui a gagné après le... Quel est le mauvais gagnant? Vraiment poche. C'est pas vrai. Merci, Myriam. C'est Mathieu, parce que je t'ai fait perdre 2 points pour mauvaise conduite. Et conduite de partie, François. Ah, tout le monde a gagné! Et on est tous des gagnants ici, ben oui. Personne perd. Non, pas de farce. François a gagné, parce que... Ben oui. Parce qu'il est meilleur que moi. Parce qu'il y a eu des bons guests, par exemple, Mathieu. Pas pire, hein? Ouais, bien joué. Merci. Ben, en fait, ça nous surprend un peu. Je pense que Myriam va être d'accord avec moi. Que t'aies autant de points. Oui. Jamais je joue un sport. Bon, ben, coudonc, à la semaine prochaine. Là, les gars, j'ai vraiment hâte de revenir. Depuis que je sais que je t'endors, là, ça me tend vraiment. Non, mais ça me tes petits yeux sont plus grands que toi. Non, c'est ça. Tu m'as réveillé avec ton criquet. T'as ton grenouille. Elle a pas mal mieux que François, parce que là, il y a une technique, elle se raconte la technique de la vendeuse. La technique, c'est... Comment qu'elle m'a dit ça, la madame, pour faire? Ben, aussi, elle faisait... C'est bon. Où t'as acheté ça? Oui, t'avais pris ça en voyage? Non, je l'ai acheté au festival. Elle me faisait de l'œil avec ses yeux jaunes. Je la trouvais cool, là. Prenons ça en photo, qu'on mette ça sur le Facebook, que les gens sachent de quoi on parle. Parfait, je fais ça immédiatement. Tu prendras ma main aussi. J'ai trouvé mon téléphone, puis je fais ça. C'est vraiment gossant comme son, ça. Il y a ça dans des matchs de sport, je m'imagine. Bon. Oui. Mais cœur, hein? Ça, là, c'est parce que quand j'étais au cégep, il y avait des games de hockey, puis il y avait une équipe de journalistes contre une équipe de gens de radio. OK. Puis voilà, c'est pour ça dans ton cul. On l'a dit quoi, 3 fois, ça, cette expression? C'est beaucoup, hein? Ah, c'est vulgaire. Ouais, c'est vulgaire pas mal. Moi qui voulais pas le dire, je l'ai dit. Ça y est. C'est ma faute, je prends le blâme. Oh, elle est vide, la grenouille. La grenouille est vide? Ouais. En tout cas, oui, fait qu'on va la prendre en photo, puis vous mettre ça sur Facebook. Puis moi, ben, je vais peut-être revenir la semaine prochaine. On t'attendra donc mercredi à 8h. Tu pourras me féliciter en même temps sur Facebook. Si... Il est vraiment un mauvais gagnant. Il est désagréable. Non, bon, salut! Non, non, c'est pas parce que tu dis non que ça devient. Non, mais t'as. Mais wow, là, sois pas fâché après moi parce que j'ai gagné. Relax, Mathieu. Ouais, fais pas ton mauvais perdant. Non, moi, je suis très bon perdant, tu sais. Ouais, souris. Parce que je suis habitué. Restez là, on revient. On vient avec Yann Martel et sa Oui, finance. On parle d'aide financière. Assemblage requis jusqu'à 9h. C'est Rich Aucoin, ou comme on l'appelle dans le domaine anglophone, Rich Aucoin, avec We're All Dying to Live. Ça, c'est le nom de l'album, et on a entendu la pièce Hit. C'était Kiwan qui nous l'avait fait entendre à sa chronique Kiwan en cavale lundi. Au début de la semaine, oui. Ouais. Et c'est entré dans le palmarès comme par magie, ça. C'est excellent, c'est vraiment bon. On écoute les gens quand il y a des bonnes affaires, on les met dans le palmarès. Juste le nom porte un peu à confusion. C'est pas le meilleur nom. Hein. Non, c'est ça. Rich in the Corner. Parlant de Rich. Oui! Je l'avais même pas vu venir! Tout est entré en matière. Merci. Voici la chronique financière de Yann Martel. Yann Martel, bonjour. Bon matin, messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Fantastique, fantastique. D'ailleurs, juste avant, on parlait d'être riche. Oui. Peut-être qu'on le sera avec les nouveaux crédits d'impôt. On va le souhaiter. On va le souhaiter. Peut-être qu'on pourra pas s'acheter une maison avec ces nouveaux crédits d'impôt, mais du moins... Une maison Barbie. Une maison Barbie, quand même. C'est un début. Ouais. C'est un début. Écoute... Commence à quelque part. Ben, l'hypothèque est pas trop chère. Il y a moyen de faire quelque chose de pas pire. Si t'en as pas assez, un appartement à Barbie, ça fait la job aussi. Un appartement, oui. Ça se vend. Je m'en vais avec ça. Est-ce que ça se loue? Et à qui tu loues ça? À Ken? Ouais. À Ken, ouais, c'est ça exactement. Tu dois payer pension à Ken. Bon, alors... embarquons sur la piste. Embarquons sur la piste de l'Anse. Alors, si on revient au crédit d'impôt, oui, comme on disait François-Olivier, peut-être que, oui, on se mettra pas excessivement riche, mais du moins, souvent, les étudiants arrivent à la fin de leur année financière, puis ils se disent, ben où on pourrait aller récupérer un certain montant d'argent. Des fois, les gens arrivent assez serrés dans leur budget, tout ça. Puis souvent, quand vient le temps de faire sa déclaration de revenus, on confie ça au comptable de papa et maman, ou on confie ça à papa ou à maman, ou à mon oncle, qui fait souvent les... Ou sinon, à Sherblock, en fait, les firmes qui sont spécialisées pour ça. Bon, quand vous avez un comptable qui est habituellement informé ou comme on parle de Sherblock, tout ça, eux autres, ça va bien habituellement. Ils connaissent les crédits d'impôt qui sont disponibles puis ils vous permettent d'aller chercher le remboursement maximal. Par contre, quand c'est des gens de votre famille, quand c'est vous-même qui produisez votre déclaration de revenus, ben là, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, c'est important de bien connaître ce qui est disponible pour vous. Alors, je me suis amusé à aller voir sur le site de Revenu Québec, qui est quand même très bien fait, je dois le dire. C'est souvent les sites des ministères, c'est un peu des labyrinthes où on essaie de s'en sortir. Mais le site de Revenu Québec est quand même très bien fait. Et il y a une section, quand vous allez voir dans les différentes possibilités, là, si vous êtes un particulier, citoyen, entreprise, ça. Puis quand on va dans la section citoyen, il y a une section étudiant. Donc, c'est intéressant. On peut se rendre directement là et voir tout ce qui est disponible quand on est étudiant. Et entre autres, pour les étudiants de niveau postsecondaire, il y a trois choses dont je veux vous parler ce matin. Le premier, c'est un crédit d'impôt qui est disponible pour les frais de scolarité ou les frais d'examen. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un crédit d'impôt qui a été mis en place et qui permet à un étudiant d'aller chercher un certain remboursement sur ses frais de scolarité ou des frais d'examen payés durant l'année. Donc, je peux donner des exemples. Vous pouvez aller chercher des crédits d'impôt sur vos frais de demande d'admission, sur vos frais d'admission, des frais d'exemption, des frais de confirmation, d'utilisation et d'installation d'une bibliothèque de laboratoire, les frais obligatoires de services informatiques. On en paye ici, donc ça peut être intéressant pour les étudiants d'aller chercher un remboursement là-dessus. Cotisation de membres ou participation à des séminaires. Il faut faire attention, ça ne concerne pas les associations étudiantes. Par exemple, non, les gens vont dire, on peut aller chercher un montant sur la cotisation à la GE? Non, ça ne comprend pas la GE. Des frais d'examen, s'il y en a, des frais de stage. Frais de stage, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de... Ça, malheureusement, Mathieu, faudrait... Pas Mathieu, pardon, François-Olivier, faudrait approfondir, parce que je ne sais pas si ça concerne les déplacements. Parce que, avec l'aide financière, il y a des remboursements qui sont possibles au niveau des stages, au niveau de déplacement, si jamais tu dois aller habiter dans une autre région et que ton conjoint ou quelqu'un d'autre demeure dans l'appartement où tu étais déjà installé, il y a des frais qui sont remboursables. Donc, je ne sais pas si les frais de stage, ça concerne, si jamais il y a des frais à payer dans l'entreprise où tu fais ton stage, des choses comme ça. Faudrait approfondir qu'est-ce qui est disponible au niveau des frais de stage. Donc, voyez-vous, la liste est quand même assez exhaustive. Je la défilerai pas au complet, mais c'est intéressant et vous pouvez aller chercher un bon montant d'argent à partir de ce crédit d'impôt-là. Et ce crédit d'impôt-là, ce qui est intéressant, c'est que si jamais vous ne voulez pas l'utiliser pour vous, ben il y a un montant qui peut être transféré à vos parents. Donc ça peut devenir intéressant pour les parents qui nous écoutent en ce moment. Oui, c'est ça. Ça peut être plaisant pour eux autres. Hein? Oui, exactement. Donc, il y a un montant qui peut être transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires à ses parents sur sa déclaration de revenus. On parle de la déclaration de revenus du parent, bien sûr. Donc, l'étudiant doit choisir si c'est la mère ou le père. Il l'applique sur la déclaration de revenus de la mère ou du père. Puis par la suite, ben il y a bien sûr des formulaires à remplir. Mais sur le site du ministère, c'est bien détaillé les formulaires à annexer à votre déclaration de revenus puis les formulaires à remplir là, pour profiter de ces crédits d'impôt là. Donc ça, c'est le premier crédit d'impôt qui est vraiment intéressant. Un autre crédit d'impôt, ben ça, on va plus parler pour les gens qui ont terminé, les finissants. et les diplômés, bien sûr. Il y a un crédit d'impôt qui est disponible aussi sur les intérêts payés sur un prêt étudiant. Donc, quand vous commencez à rembourser votre prêt étudiant, vous pouvez placer des intérêts dans votre déclaration du revenu et aller chercher un certain montant à partir de ça. Ça, souvent, c'est quelque chose qui est oublié. Les étudiants commencent à rembourser, rentrent sur le marché du travail, arrive le moment de faire leur déclaration de revenu, puis là, ils oublient qu'ils ont remboursé un prêt étudiant durant l'année. Et puis, en plus, je pense qu'il y a un relevé qui est produit par, par le ministère quand il y a un remboursement. Donc, il indique les intérêts qui ont été payés. Donc, ça aussi, ça peut être placé sur la déclaration de revenu, puis on peut aller chercher un montant d'argent avec ça. Mais ça, c'est très bon parce que c'est à long terme, nous aussi. C'est à long terme. Ben oui, quelqu'un qui échelonne son remboursement sur 10 ans. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là, pendant ces 10 années-là, il peut intégrer les intérêts qu'il a payés sur sa déclaration de revenus. Puis, si vous me permettez, je vais faire une petite parenthèse concernant le remboursement d'un prêt étudiant. Souvent, il y a des étudiants qui passent à mon bureau et qui viennent me voir concernant le remboursement de prêts et bourses. Et ils oublient toujours que lorsqu'ils sont aux études à temps plein, ils n'ont pas à commencer à rembourser leur prêt étudiant. Ils ne sont pas obligés de le faire. Donc, souvent, les étudiants incluent leur remboursement de prêt et bourse. Supposons, prenons un exemple, un étudiant qui fait un baccalauréat, puis là, il s'en va à la maîtrise, mais il décide qu'il ne fait pas de demande d'aide financière. Il reçoit des bourses, tout ça. Ses revenus sont suffisants pour couvrir ses dépenses. Donc, je ne fais pas de demande d'aide financière. À ce moment-là, comme il ne fait pas de demande d'aide financière, l'aide financière va commencer à lui demander à rembourser son prêt qu'il a eu durant le bac. Mais tant qu'il est aux études à temps plein, il peut informer le ministère de cette situation-là et son institution financière ne lui demandera pas de commencer à rembourser. Donc, les étudiants peuvent sauver de l'argent durant la... Donc, pas d'intérêt non plus? Oui, il y a des intérêts. Ambitionne pas, là. Non, quand même. Je pensais... Oui, il y a une certaine... Mais quand même, les intérêts sur les prêts étudiants, il faut se rappeler, c'est toujours des intérêts qui sont très bas comparativement à d'autres prêts qui peuvent être faits avec les institutions financières. Okay. Donc, oui, bien sûr, il y a les intérêts qui courent. Mais quand même, si on peut les faire capitaliser sur le montant qu'on doit à notre institution financière. Donc, ça évite qu'on paye les intérêts. Parce que sinon, l'institution peut te demander à chaque mois de payer tes intérêts. Ils vont payer au moins les intérêts. Pendant tes études, tu vas les payer comme un paiement additionnel. Exactement. Ils les ajoutent à ta dette. Okay. Puis, à ce moment-là, tu les paies seulement quand tu commences. C'est plus facile comme ça. Oui, c'est beaucoup plus facile plutôt que de faire des paiements sur les intérêts à chaque mois. Oui, c'est ça. Un dernier crédit d'impôt, encore là, on va parler pour les diplômés. Puis ce crédit d'impôt-là, il est nouveau de l'an dernier. C'est le gouvernement l'a mis en place pour favoriser le travail dans les régions éloignées. C'est un crédit d'impôt pour les nouveaux diplômés qui travaillent dans des régions et des ressources éloignées. Mmh. Donc, on peut penser au nord du Québec, on peut penser... L'Abitibi, la Côte-Nord, la Gaspésie. Là, je veux faire attention, je ne veux pas vexer personne. Je ne sais pas si le Saguenay... est inclus dans... Non, mais souvent, les gens du Saguenay sont... On n'est pas une région éloignée. On ne reste pas si loin que ça. On le sait. Mais il faut voir, parce que je ne peux pas vous... Une chose est sûre, les trois régions qu'on a nommées, le nord du Québec, Gaspésie et Abitibi, ça, c'est couvert par ce crédit d'impôt-là. Okay. Donc, c'est intéressant. Les gens peuvent placer une partie de leur salaire dans ce crédit d'impôt-là, puis aller chercher un certain montant d'argent à partir de ça pour les nouveaux diplômés. Donc, pour ceux qui ont travaillé tout de suite après leurs études, soit universitaires ou autres niveaux d'études secondaire. Crime, c'est bien parce que je vois, en fait, sur le site, là, ce crédit d'impôt peut atteindre 40% du salaire admissible. Très intéressant. Ça peut être... vraiment, là, on peut aller chercher un très bon montant d'argent. Puis, bien sûr, il faut faire attention parce que, oui, ils mettent des choses en place, mais il faut bien lire les critères parce que pour être certain qu'on se qualifie pour ce crédit d'impôt-là puis jusqu'à combien on peut aller en chercher. Mais les gens de Redevenu Québec, sur le site Internet, placent des lignes pour répondre à vos questions. Donc, si vous n'êtes pas certain, moi, je vous conseille fortement d'appeler les gens chez Revenu Québec. C'est des spécialistes. Ils vont pouvoir répondre à vos questions. C'est fantastique. Ben, écoutez, moi... On aime ça. Ben, si les étudiants peuvent gagner de l'argent... Ben oui, certainement. C'est merveilleux. Tu sais, t'es comme un animateur de quiz télévisé, mais sans question piège. Ouais, dans nos gens. Oui, quand même. Mais je demande un petit peu de travail. Hein. Ça, je sais. Des fois, les gens disent... Mais c'est correct. Ah, c'est correct. Ah, c'est légal. Ah, ben si c'est légal, on va le prendre à ce moment-là. C'est ça. Faut travailler un peu dans la vie pour avoir l'argent. Quand même. Ouais. Merci beaucoup, Yann Martel. Ça me fait plaisir, messieurs. Merci beaucoup. Toujours très intéressant et surtout utile. Oui, tout à fait. On te retrouve mercredi prochain à 8h30. Ça va me faire extrêmement plaisir. Oh, oui. Les gens peuvent te téléphoner, ils peuvent aller te voir, ils peuvent t'apporter du café quand ils veulent. Oui. Ça, là, franchement, ça, c'est une bonne idée. Tu disais que les gens t'appelaient pour des conseils là, à cause de notre chronique. Fait que, Oui, tout à fait. Ouais. Amener du café aussi. Ah oh, oui. Ça va mieux passer. Bon. On va écouter un petit peu de Mono Grenade. Voici une nouvelle entrée du palmarès francophone. C'est Obsolète. C'est fou, 89 FM, vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h. J'ai la peau d'un lézard, les yeux de squelette. Entre leurs mâchoires et cerveau d'allumette.